du Nord, un balai est donné. Sur le pont du Nord, un balai est donné. Adèle demande à sa mère d'y aller. Adèle demande à sa mère d'y aller. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. Non, non, ma fille, tu n'iras pas danser. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Monte à sa chambre et se met à pleurer. Son frère arrive dans un bateau doré. Son frère arrive dans un bateau doré. Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée. Mets ta robe blanche et ta ceinture dorée. Et nous irons tous deux au bal danser. Et nous irons tous deux au bal danser. La première danse Adèle a bien dansé. La première danse Adèle a bien dansé. La deuxième danse le pont s'est écroulé. La deuxième danse le pont s'est écroulé. Les cloches de Nantes se mirent à sonner. Les cloches de Nantes se mirent à sonner. La mère demande pour qui elles ont sonné. La mère demande pour qui elles ont sonné. C'est pour Adèle et votre fils aîné. C'est pour Adèle et votre fils aîné.